c'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Suggestion musicale avec Maxime Lemieux de la Ramée dans sa chronique Télécharge quoi? Aussi Stéphanie avec ton plat favori et Émilie dans Veux-tu sortir avec moi à assemblage requis? Bon matin et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi 19 octobre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. J'essaie de pas trop chialer aujourd'hui. Non? Je me sens chialeux un matin. Ah ouais, t'es sérieux? J'ai envie de chialer. Surprenant? Ouais. C'est le fun, hein? Ben oui. Ouais. Ah, ça arrive, ça arrive des journées de même. Surtout, écoute, on se lève de bonne heure, vous le savez. Ouais. On sort de chez nous très de bonne heure. Et puis, ce matin, c'était plutôt frisquet. Oui. Mon auto indiquait qu'on était sous la barre de zéro. Donc, on était dans le négatif ce matin. Hi. Pas facile, hein? Non. Pas facile. Mettons que ça dort bien. Ouais, c'est ça. Ça dort bien quand t'as pas des voisins qui font du bruit toute la nuit, tu sais. Oui, oui. Genre. Ben, le matin, je suis sûr que le matin, c'était extrêmement tranquille. Ah oui, ça pour être tranquille le matin pendant les deux heures que j'ai pu dormir, c'était tranquille, en effet. Aujourd'hui, grosse émission, c'est la grosse journée de la semaine. C'est c'est ce qu'on appelle les mardis du trop de contenu. Ah. Les mardis du trop de contenu. C'est beau, hein, comme nom? C'est beaucoup beau. Donc, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Elle va nous présenter ses coups de cœur artistiques et culturels de la semaine. Et comme je l'ai dit dans l'intro, les suggestions musicales de M. Maxime Lemieux-Laramé dans sa chronique « On télécharge quoi? » Oui, on a aussi Émilie Gauthier avec « Veux-tu sortir avec moi? » Cette semaine, comme toujours, un paquet de sujets de sorties plein air à faire. On en reparlera avec elle tout à l'heure. On a aussi Régis Solery. Oui, c'est ça. Et comme si ce n'était pas assez, on reçoit le professeur Régis Solery. Ça va être aux alentours de 8 heures. Tout à fait, sa cinquième chronique quand la mort se fait originale. Tout à l'heure, on a aussi C'est un fait, évidemment, et de la bonne musique. Hey, hey, t'as l'air content à chaque fois. Hein? Non, c'est le fun. Il y a des gens qui aiment ça, des faits divers. Ben oui, j'en fais partie. Puis il y a des gens qui aiment ça, tu sais, pouvoir dire ah ben, crime, moi je le savais. Puis c'est le fun parce que tu te sens comme waouh, je le savais déjà. C'est cool ça. Moi j'aime ça des fois, entendre ça. Moi je le savais. Ouais, moi je le savais. C'est le fun. Écoute, je peux te dire à tous les matins si tu veux. Ok, non, mais juste quand tu le sais vraiment. Ben écoute, okay. Ça arrive souvent. Ça va être comme un jeu, je vais donner une note sur ce que tu savais déjà. Bon. Tu vas avoir 10%. Écoute bien dans ta chronique, c'était un fil. OK. Je vais m'en donner encore vous. On commence avec ton choix musical. Oui, Santo Gold. Oh. L'artiste est Santo Gold et la pièce est I'm a Lady. C'est bien ça, Mathieu? Oui, c'est bien ça, François. Je me suis pas trompé. Assemblage requis sur C'est fou. Prenez ça relax ce matin. On y va mollo. Oh, I'm a lady. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Hey yo, le soleil, c'est ma seule raison de vivre. C'est pour ça que l'hiver est long, enseveli sous le givre. Mon soleil, c'est peut-être une femme, ou un semblant, je vois que j'étais avec Marie-Jeanne. Ou c'est peut-être être seul dans une pièce vide. Ben, je veux la paix, vu que j'ai franchi le seuil de cette ville. La vie est laide, mais je souris quand même. Tant que je bois de l'aide, j'attends que les événements s'enchaînent. Où est-ce qu'il est? Mon soleil, je le cherche, mon sol bouge, puis c'est la folie qui me berce. Je vois plus Bruce dans le miroir. Si tu le trouves, s'il te plaît, fais-moi en part. Où est-ce qu'il est? Mon soleil, c'est caché derrière mon royal soleil. Passe mes journées à le chercher, j'essaie d'y être loyal. Où est-ce qu'il est mon soleil, c'est caché derrière mon royal soleil. Passe mes journées à le chercher, j'essaie d'y être loyal. Ça fait déjà un quart de siècle que mon corps et mon âme le cherchent. Je blâme personne d'autre que moi-même. Je sais que mon soleil est dur à atteindre. J'ai grandi dans ma rive sud lointaine, dans la plaine, entre les collines montérégiennes. Mon soleil, je le voyais parmi les lumières de Montréal, le soir, en regardant les étoiles. Oh, je suis parti à sa poursuite avec mes belles shoes, parce que le soleil court vite. La vie est belle, tant qu'il reste de l'espoir, tant que le soleil joue la game, puis nous laisse croire. Où est-ce qu'il est? Mon soleil s'est caché derrière mon royal soleil. Passe mes journées à le chercher, j'essaie d'y être loyal. Où est-ce qu'il est? Mon soleil s'est caché derrière mon royal soleil. Passe mes journées à le chercher, j'essaie d'y être loyal. Gardez le sourire. Je voudrais pas que vous vous souvenez de Bruce comme le gars qui voulait mourir. À chaque son soleil, chaque ses oreilles, tu peux continuer de dormir. À chaque son sommeil, j'assume les temps gris et les intempéries. Selon la tendance, après la pluie, le temps embellit. La vie est aigre. Or, j'écris des textes aigris. Mon corps vieillit pendant que le compte en banque maigrit. Où est-ce qu'il est? Mon soleil, je le cherche plus. Je sais qu'il est perché au sommet de l'arbre de mon or. Or, s'il faut bûcher pour percer les nuages, traverser la nuit, je travaillerai quand le monde dort. Où est-ce qu'il est? Mon soleil s'est caché derrière mon royal soleil. Passe mes journées à le chercher, j'essaie d'y être loyal. Où est-ce qu'il est? Mon soleil s'est caché derrière mon royal soleil. Passe mes journées à le chercher, j'essaie d'y être loyal. Mon soleil doit se cacher en dessous de mon royal. Sammy Bruce, avec la pièce Mon Soleil. Est-ce que Mathieu a aimé ça? C'est un genre. C'est un genre. C'est tout à fait un genre. T'as pas aimé ça? Bof. Non? Pas vraiment. Ah, je trouve que c'est une bonne pièce. Oui, ben tant mieux, ouais, c'est oui, fun oui, ça. Oui, oui, oui. Pas juste des affaires qui m'intéressent moi là-dedans, hein. C'est non, normal. Non, non, on est deux. Hein. Oui, c'est ça, on est deux. Faut faire des compromis, Mathieu. C'est ça. Faut que tu me laisses vivre, juge-moi pas non plus. Hey Mathieu, oui. Je te parle d'une petite nouvelle un peu spéciale. Saugrenue? Saugrenue, c'est tout à fait le terme. Parfait. C'est une même combinaison tirée deux fois en moins d'un mois à la loterie israélienne. Chanceux? Oui, mais ben oui, tout à fait. Pour ceux qui prennent les mêmes numéros et qui avaient ces numéros-là, c'est très, très chanceux. Oui. Et c'est un événement qui est plutôt rare. Il y a un mathématicien de l'université de la boîte en Israël. Ouais. D'accord. Merci. Qui dit que la probabilité d'obtenir les 6 mêmes numéros à moins d'un mois d'intervalle est d'une fois tous les 10 000 ans. Wow. Donc, c'est très très rare. Je vous dis les numéros des fois que ça vous tenterait. Okay. De les prendre peut-être pour ici. Prenez des notes. Oui, oui. 13, 14, 26, 32, 33 et 36. 13, 14, 26, sont 26. Exactement les mêmes que celles du 21 septembre. Du tirage du 21 septembre. Eh ben. Ça s'est déroulé samedi dernier. Il y a du monde qui ont toutes les chances du monde. Mais en même temps, je me suis fait dire à un moment donné, chacun fait sa propre chance. Ouais, mais à la loterie, tu peux pas non, faire ta chance. C'est ça. Tu ne peux pas faire ta chance. Il y en a qui n'aiment pas ça faire entendre la phrase bonne chance, tu sais. Ah ouais? Mettons, moi, je te dis bonne chance. Non, non, non, ouais, wow, minute là, pas de chance. Je fais ma propre chance. J'ai entendu ça. Oh, OK. Non. Ah, ben moi, vas-tu, non, c'est pas... Chacun sa façon de voir les choses. Ouais. Hein. Oh, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on va recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique « Ton plat favori ». Elle va nous présenter son coup de cœur artistique au culturel de la semaine et puis je lui renverrai par la bande dans le coin du filet en arrière de la plate. Par courriel. C'est ça. Mon dessert. Ton dessert. Mon dessert. Pas au Kégo. Non, wow. Là. C'est pas tout le temps au Kégo. Ou Scott ça. Pilgrim. Mais, ouais, t'auras pas eu de droit. J'en regarde une fois de temps en temps. C'est comme toi avec ton Final Flash à tous les jours. Tu vas-tu vouloir le jouer tantôt encore, Final Flash? J'avais vu que tu l'avais remis dans tes trucs. Sincèrement, il m'a titillé l'œil. Mais écoute, on pourrait peut-être. J'aurais peut-être une pièce à te faire entendre. T'as écouté le CD au complet? Ben, j'ai passé la fin de semaine à faire ça. Ben, mon sacripant. Autre que Welcome to the House on Fire. Pour ceux qui savent pas que c'est pas l'émission à tous les jours, là, c'est la pièce qui fait jouer c'est ça, à tous les jours. Que je savais pas vraiment le titre non plus. Donc, vois-tu, je me suis amélioré sur ce point-là. Mm-hmm. Hein? T'es pas surpris? Je suis impressionné, en fait. T'es juste un peu impressionné. Je suis subjugué, ça va. Subjugué. Welcome to the House on Fire, The Final Flash. Pour ceux qui la connaissent pas, allez écouter ça. C'est ça, allez vous procurer ça. Ça vaut de l'or. On écoutera une autre pièce de Final Flash tout à l'heure, mais pour l'instant, on écoute une pièce de la formation Le Couleur, voici 2 et 2. T'aimes ça, hein, Le Couleur? J'adore ça, Le Couleur. Oui. 2 et 2, c'est fou, 89 FM, assemblage requis. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Toujours Assemblage requis. François, ça va? Ah, ça va bien. Steph m'a beaucoup fait rire avec son histoire de chat qui lui pétait dessus. Là, ah, attends un peu. Non, François a tout déformé mes paroles. C'est vraiment bizarre. Mais c'est-tu le chat qui a pété ou c'est toi qui a pété dessus? Non, c'est le chat qui brise tout. Tu sais, comme péter tout. Briser des choses. Oui. C'est on le salue, comment est-ce qu'il s'appelle? Micro. Micro, pour vrai? Salut Micro. C'est ton affaire de radio. Hein, c'est Micro qui lui pète dessus. Ouais. Félicitations, écoute, continue à élever tes chats comme ça. Hein? Ouais. Ça va bien. Tout à fait. Je suis ton père favori, je sens sur ton bistouri. Non, tu comprends pas. Ah, parlons de choses un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu autant, d'autres choses là. D'autres micros. Là, moi, je suis déçu, je pensais que François allait parler de trucs agricoles. Ah, non, écoute, c'est... j'ai relu la nouvelle et je me suis dit. Pas approprié. Non, je me suis retenu. Bon, je vais parler de mon plat favori d'abord. Que oui. C'est pas vraiment une surprise, sauf pour François qui m'écoutait pas hier. Mais pour le reste du monde. Eh bien, mon plat favori cette semaine, c'est le groupe qui a fait la première partie. Okigo. Oui, un des deux groupes qui ont fait la première partie. Oui, Okigo était en spectacle samedi dernier. On était là, toi, moi, Émilie Gauthier, qu'on va recevoir tantôt, et puis ma copine. Et puis là, on a découvert ces deux groupes-là en première partie. Il y avait Summer Darling. Oui. Qui était pas bon. Ben, c'était correct. Là. Moyen. C'était bien. Et Company of Thieves. Oui, puis dans le fond, quand j'ai su que c'était Company of Thieves qui faisait la première partie, ça me disait absolument rien. Puis finalement, dès les premières notes de la première chanson, je me suis rappelé que je connaissais ça finalement. J'avais déjà fait jouer ça à mon émission au début. On voit très que c'est longtemps. Bien préparé ton émission. Tu connais tout ce que tu joues. Hein? Non, mais c'est pas moi. C'était dans le temps que j'étais avec Sophie. Puis c'était Sophie qui avait apporté cette chanson-là. Puis quand ils l'ont joué, ça m'est revenu. Ça, c'était dans ton émission Les Pains Bêches en émission. Oui, Les Pains Bêches. Les Pains Bêches. Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, c'est la Pains Bêches. Une. Ah, ouais. Merci de me corriger. Ça fait plaisir. Mais je savais que c'était singulier. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ce poil-là? Parce que c'est une. Oh. C'est comme ça. Moi, je hoche de la tête comme dans... Le jour où tu seras une pain-bêche, là, tu choisiras le nom de ton émission. Ouais. OK. Un jour où tu n'arriveras pas dans l'émission d'un autre... Non, c'est une blague. Excuse-moi, je voulais pas dire ça. Excuse-moi. Ah, tu vois-tu des éclairs que je t'envoie? Bref. Oui. Mathieu ne sera pas là demain. Donc, Company of Thieves, groupe de Chicago, ils ont juste un album à leur actif, c'est Ordinary Riches, qui est sorti version digitale le 6 janvier 2009 et un album physique le 24 février. Dans le fond, c'est un groupe assez rock, mais avec une fille qui chante, ça peut ressembler un peu à Florence and the Machine ou un peu à Kate Nash, que t'aimes bien, hein, François? Kate Nash, j'adore. J'aime bien Kevin Nash aussi, qui est un lutteur, mais... Ça bref, mais c'est moins féministe que Kate Nash, puis un peu plus rock. Et c'est ça, c'est quand même assez varié sur l'album. Il y a des chansons assez tranquilles, des petites ballades. Il y a aussi des chansons un peu plus rock. Est-ce que tu avais aimé? Oui, j'ai aimé. Mais pas autant que moi. Non, c'est ça. J'ai trouvé le temps un petit peu long par moment, mais j'aimais sa présence sur scène. Tu sais, elle se lance un petit peu partout sur scène, elle crie, puis... Ouais. Elle bouge pas mal, elle a les cheveux frisés, puis c'est ça. Elle a les cheveux partout. Frisés. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. On va aller écouter la pièce Oscar Wilde. Hey, comment t'écris ça? Company of Thieves. Comme des voleurs. Ok, T-H-I-E-V-E-S. Oui. C'est ça, okay. Comme des voleurs. Non, c'est bon, parce que des fois, à la radio, tu sais, on entend parler d'un groupe, et puis, tu sais, des fois, là, tu sais, on sait pas exactement. Tu cherches, tu trouves pas. Ou tu trouves peut-être pas le bon groupe, ou tu sais, des fois, ça peut... parce qu'il y en a de plus en plus, en soi. C'est un bon point. Tu l'as compris. Non, mais on te comprend tous. Tu sais, au moins, à la télévision, tu peux t'inscrire en bas, là. Pas grave. En bas de l'écran. Ouais. Un jour qu'on sera à la télévision. Nous, on a un site web. Ouais, mais c'est pas marqué dessus. Ben, je vais l'écrire, là, gars. Tu me laisses-tu, je vais l'écrire, là. Ah, mais c'est parce que là, je suis dessus, puis je ne vois pas. Excusez-moi, monsieur Plante. Menteur, il est même pas dessus, en plus. Ah ouais? Non, il est sur rue Frontenac. Ah ouais? Ah, ben, d'accord. Fait que c'est pas toi qui parles. Les nouvelles que tu vas chercher, c'est pas toi qui vas sur le terrain chercher ces nouvelles-là, c'est ça? écoute, oui, mais pas tout le temps. OK, bon. Donc, on écoute Company of Thieves. Oui, avec la pièce Oscar Wilde. Ah, c'est fou, dans Rassemblage Requis, c'est le bloc ton plat favori de Stéphanie Gagne. We'll be right back. par surprise un peu. Hey, hey! Oui, Company of Thieves. Non, oui. Mais quel bon groupe. Arrête, on sait comme pas ça. Non, mais c'est pas si pire. J'ai déjà vu des j'ai déjà entendu... Kate Nash. Des atrocités pires que ça. Pas Kate Nash, Kevin Nash, c'est un lutteur. Crystal Castles. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que... Crystal Castles, elle aime pas ça. Non? Chaque opportunité qu'elle a de dire qu'elle aime pas ça, elle dit. Ah, ouais? Ouais. Elle m'aime, tu vois. Fait qu'elle aime pas quelque chose à sa charme. Même pas vrai, je le dis jamais. C'est tout à toi qui le dis. J'avoue. Ça fait peut-être partie de ta maladie. Ma maladie. J'ai une maladie. C'est pas vrai. C'est beau votre complicité, là, on vous croirait vraiment des ennemis. Vous autres, votre complicité, hein, vous êtes rendus très, très, très proches. Oui, ouais. Hein? Moi et Mathieu, bientôt, je vous l'annonce, nous ne formerons que un. Ah ouais, OK. Un. Ah, hein? Tu me l'apprends? Oh, ouais. OK, ben, OK. OK. Donc, Company of Thieves, nous, on trouvait personnellement, François et moi, qu'elle se plaint beaucoup, un petit peu. Ouais, ben, pas moi. Non, bon. Moi, j'aime ça. C'est cool. Ben, tant mieux. Ben oui. Je change plus de ta droite. Bon point. T'as pas fait. T'as un bon point. Moi, mon dessert la semaine, parce que j'accompagne toujours ton plat favori par un dessert, hein, tu sais. Vas-y. C'est le site tightsarenotpants.com. Et ça fait un petit peu référence, blague interne. Ouais. Tightsarenotpants.com, ça fait référence au spectacle d'Okego où des filles s'étaient déguisées en couleur des chanteurs d'Okego. Oui! Donc, la fille, il y avait une fille qui était habillée en rose, on pourrait dire déguisée, je pense. Ouais. En rose avec des collants à la place des pantalons et on voyait très clairement ses bobettes et la forme de son. Ses bobettes étaient par-dessus ses collants. Excuse-moi. Okay. Donc, oui. Ses bobettes par-dessus ses collants et on voyait bien les formes de. Bon, les formes. Des formes. Tu sais, c'était des collants, là, pas des leggings, là, des collants. Et voilà. Ah. C'était pas très joli, on trouvait. T'sais. Puis ses amis étaient aussi en pyjama jaune. Ou, parce que vous savez, les membres du groupe Okego s'habillent en couleurs différentes des fois. Oui, toutes une couleur, c'est ça. L'autre une couleur. Donc, tightsarenotpants.com, c'est un manifesto. Donc, on peut vraiment télécharger un press kit avec des dépliants, des flyers imprimables qui disent, par exemple, dites à vos amis douchebags que les collants ne sont pas des pantalons. Disons, t'en as un qui dit ça. Et là, quand tu lis dessus, t'as le manifesto complet. Donc, ça dit, soyons clairs, porter des collants en tant que pantalon est une abomination. Les collants ne sont pas des pantalons. Bien sûr, dans le contexte des sports, du ballet, du hair metal et des foires de la Renaissance, les collants pourraient être considérés comme des pantalons, mais non, ils ne sont pas des pantalons. Ces actes de pantlessness sont historiquement inacceptables. Ça ne laisse rien à l'imagination. Nous préférons ne pas connaître vos détails les plus intimes. C'est l'équivalent vestimentaire du too much information. Voilà, c'est ce que c'est dit. Par contre, il n'y a pas de photo. J'aurais aimé un petit genre de Tumblr comme on voit souvent dans les chroniques Phoenix. Je pense que ça les écœure tôt pour en mettre. Ah, t'as peut-être raison. Mais il y en a sûrement un Tumblr, tightsaspants.tumblr.com, genre, mettons. Pas très fun. En tout cas, bref, c'est mon site de la semaine. C'est très cool. J'aime bien ça. Pants, tight, suspense. J'aimerais ça qu'il y en ait un juste là. Pants, Tumblr. Je pense pas qu'on va en avoir un. Ah, les gars. Ah oui, attends. Non. Je pense qu'il y en a. Il y en a. Je pense qu'il y en a vraiment un. Oui. Notpants.tumblr.com. Ah, c'est génial. Ah, c'est wow. Ah, c'est. J'adore ça. Allez-y, right now. Notpants.tumblr.com. Je vais vous laisser les liens sur assemblagerequis.com dans l'émission d'aujourd'hui du mardi. Mais c'est ça, Tumblr? Pas de E. Pas de E. Ouais, TUMBLR.com. J'avoue que c'est pas super clair comme adresse de site, mais bon. Voilà, mon dessert et ton plat. Et, oh mon Dieu! Oui. Ouais, descends un peu. Descends. Le deuxième rangée. Oh! Wow! Bon, on est à la radio, hein. Merci, Stéphanie. Wesh! OK, c'est vraiment ça rire. Subjugue. C'est le mot de la journée, je trouve. Ouais. Mais... Oui, c'est des collants, mais c'est aussi c'est ce qu'on pourrait appeler aussi des skinny. Ouais, ouais. Mais lui, c'est vraiment Those Aren't Pants, le site. C'est juste, ce ne sont pas des pantalons. C'est pas littéralement juste des collants, celui-là. En effet. Ouais. Bref, tous les liens sur assemblagerequis.com, ça va faire. Il y a aussi le site fuckyeahleggings.tumblr.com où c'est des leggings à la place d'être des collants. C'est le fun, hein? Cool. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées sur les ondes du 89.1 FM. C'est fou. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante ensemble jusqu'à 9h, comme toujours. Et là, moi, j'ai envie de retourner en musique un petit peu, aller entendre... je sais pas trop quoi. Ça me tente d'entendre... Ah tiens, du Phoenix. Je me demande à qui appartient ce CD-là. On l'a dans le studio depuis un bout. Ah, je pense que c'est à moi. C'est ce que je pensais. Ça va me donner l'occasion de te le redonner à vrai. Donc, on écoute Phoenix. Voici Pourquoi donc pas la pièce 1901. Je savais. Ça, c'est fou. Hein? Pas pire quand même. Ça avait l'air fluide. Très. On avait l'air de savoir ce qu'on faisait. Absolument. Cool. Une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. L'argent nous liquide, je suis pas fou. être quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui paraît qui pourrait à nos frères. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. Sur la mauvaise traque, deux fous qui craquent. Passager clandestin pour le hold-up petit destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. Pédalpé, mauvaise track à assemblage requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité au 89 FM, c'est fou. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et les matériaux de qualité, c'est souvent les chroniqueurs. C'est pas mal juste ça, en fait. Oui. C'est pas mal. Et la musique. Et la musique, okay. Et t'en fais un peu partie, Mathieu Plante. Non. Ben, écoute, laisse-moi finir. Oh, okay, hein? Oui, vas-y. Peux-tu te complimenter à souhait? Un petit peu. Oui. Autre chose que sur tes faux-founes. Oh, hein? Excellent. Éclat de rire. Non, mais la chronique, c'est un fait, c'est très bon aussi. Plus que mes fesses ou moins? Ben, égal. Égal. Égal. Okay. Écoute, on fera pas de jaloux entre tes faux-founes et puis ta chronique. OK. OK. François? Oui. Oui, tu disais, c'est un fait. Je me suis permis quelque chose. Je t'ai piqué ta musique des nouvelles parce qu'on s'en sort pas. Ah oh ouais? Ouais, ben check ça. Ça va être plus le fun, ça va être plus divertissant. Écoute bien. C'est cool ça. T'as dit ça? Oh ouais. C'est cool. Un fait, ça a-tu l'allure? Oh ouais. Donc allons-y avec des faits des plus utiles. Moi je trouve que c'est des choses qui sont nécessaires à savoir dans la vie. Pouvoir les répéter à d'autres gens plus tard. D'autres gens. D'autres gens. Des gens. D'autres gens. Donc oui, commençons tout de suite avec notre premier fait sur les pieuvres. Savais-tu qu'une pieuvre est à peu près de la grosseur d'une puce à la naissance? Oui, je le savais. Tu savais déjà ça? Non, hey, mais savais-tu que les pieuvres, c'est extrêmement intelligent? J'ai vu un reportage à la télévision, là. C'est hallucinant comment c'est intelligent une pieuvre. Ça a l'air de rien, ça a l'air vraiment innocent dans le sens que... non, mais tu sais, c'est pas beau, tu sais, ça se déplace... en fait, c'est un animal très, très méconnu, mais c'est très intelligent. Ça sait exactement quelle grosseur qu'elle a, dans quel trou elle peut passer. Elle a fait des tests, elle l'avait enfermé, et hey, puis pour vrai, là, c'était... Ça a une mémoire aussi, c'est capable de retenir les trucs. Mais il n'y a aucune transmission de d'intelligence entre la mère et les enfants. Dans le sens qu'elle accouche, donc elle meurt. Ah ouais? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de transmission d'intelligence. Mais en tant que tel, l'animal est très, très, très intelligent. C'est assez remarquable, oui, oui, tout à fait. Mais ça a vraiment pas l'air de ça, donc j'étais vraiment surpris. Et je me suis... surpris à aimer ça. Les pieuvres ou le documentaire? Ben les deux. OK. Ouais. Comme futur animal de compagnie peut-être? Non, je pense pas, non, mais. Non, non, non, je pense pas. Et il y en a qui mangent ça. Oh, je, non, je sais pas, là. Tu juges avant même d'avoir essayé. Oui, non, non, non, mais d'après moi, écoute, je peux me tromper, mais ça doit être gluant en bouche. Ça doit être quelque chose. La texture doit pas. Pour moi, personnellement, ouais. Non, je pense que je vis bien ça. D'accord. Je vais continuer moi aussi. Oui, continue. Savais-tu qu'à Haïti, seulement 12 personnes sur 1000 ont une voiture? 12 personnes sur 1000? 12 personnes sur 1000. C'est pour comparer, 1,2%? Environ, oui. Pour comparer, 765 sur 1000 aux États-Unis ont un véhicule. Il y a un graphique aussi dans l'article sur assemblagerequis.com qui montre les pays dans l'ordre du nombre de voitures par 1000 personnes. Les États-Unis sont numéro 1. Bravo. Numéro 1. L'Afghanistan est à égalité avec le Malawi pour la dernière place. OK. Ouais. Moyenne de 0 voiture par 1000 personnes. OK. La Chine qui s'en vient aussi, là. Ils commencent à avoir des bouchons de circulation là, ouais. Là-bas. Là. Ça s'en vient. Eux autres, ils achètent aussi là, beaucoup de véhicules. Mais il y a beaucoup trop de monde là-bas. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais bien pas. Ce qui me surprend ici, c'est un couple qui a eu 3 enfants qui sont nés le 8 août 2008, donc le 8-8 du 8, hein, le 9 septembre 2009 et le 10 octobre 2010. Hein? Back to back. Incroyable. Chad et Barbie Soper de Rockford au Michigan ont réussi ce... Oui? Je t'interromps. Vas-y. Chad et Barbie. Ouais. Tabarouette, OK. Ouais. J'étais pas certain, là. T'as bien entendu. Leur fille Chloé est née le 8 août 2008. Leur fils Cameron le 9 septembre 2009. Et leur plus jeune fille, Kara, qui vient de naître le 10 octobre dernier. Lorsqu'on leur a demandé s'ils allaient essayer encore pour le 11 novembre 2011, question facile quand même, hein, Madame Soper a répondu « Définitivement pas, on voulait 3 enfants et on est bien heureux d'en avoir 3. » Vous pouvez voir une photo de la famille sur l'article assemblagerequis.com, évidemment. Cool. Ooh. Barbie pis Chad, toi. Chad, hein? Je pensais que Barbie faisait... Chad. Qu'est-ce qu'il y a? Dans Winter, il n'y a pas un Chad. Chad. Ouais, Gannon. Mais il n'est pas beau. Ah, Chad Michael beau. Murray, tu trouves pas beau? Ah, oh, ben là, t'es standard pis ta barre est haute pas mal, là. Hein? C'est James Lafferty qu'on aime. Bon. Mais je pensais que Barbie faisait juste des bébés avec... Ken. À trompe Ken. Ouais. Avec Chad de One Tree Hill. Scoop, spoiler. Bon. Saviez-vous que l'acteur qui fait Mario dans les jeux vidéo, bon, vous connaissez évidemment la voix de Mario, là, dans les jeux vidéo, tous les jeux Mario. Vidéo 3D. Exactement celui-là. Mario. It's me. That's a spicy meatball. donc, le gars qui fait la voix de Mario fait aussi la voix de 10 autres personnages de Nintendo. Depuis il change sa voix, par exemple. Ben oui, c'est sûr. Donc, depuis que Mario est en 3D, c'est-à-dire depuis Mario 64, il y a eu... c'est la voix, évidemment, de Charles Martinet. Donc, non seulement il fait Mario, il fait aussi Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario et Baby Luigi. Il a aussi fait des personnages plus mineurs. Wart, Clawgrip, Triclide et Mouser dans Super Mario Advance. Ça, c'était le remake de Mario Bros. 2 pour le Game Boy Advance. Donc, il a fait les grosses voix de ces monstres-là. Et il a fait Toadsworth, le professeur, dans Super Mario Sunshine. Je sais pas si c'est payé, hein? Ah, je suis pas sûr. Je sais pas. Hein. J'imagine qu'il faut que tu fasses d'autres choses aussi. Tu ouais. Peux pas. Ouais. Tout le temps, puis après ça. Tu peux travailler dans un restaurant puis répondre. C'est un restaurant italien, mais non. Ouais, c'est Luigi. C'est pas fait. Saviez-vous, est-ce que je l'ai fait celui-là? Je crois pas que je l'ai fait. Est-ce que tu savais que toutes les publicités de iPhone montrent l'heure de 9h42? Ah, non. Non. Okay. Ben c'est ça, il y a une raison logique derrière ça. Aussitôt qu'Apple sort un nouveau produit à leur grosse conférence de presse, ils aiment révéler le produit environ 40 minutes après le début de chaque présentation, dit-on. L'image à l'écran montre 9h40 plus 1 minute ou 2 parce qu'Apple n'est pas sûr si ça va prendre exactement 40 minutes pour se rendre là. Parce que ça se passe souvent à midi heure de l'Est, donc 9h heure de l'Ouest sur la côte Ouest, donc à 9h plus 42 minutes, 9h42, genre. C'est ce qu'ils disent. Contrairement au iPhone, par contre, les publicités du iPad montrent 9h41. Oh, ils ont diminué. Pour varier un petit peu. Seulement 2 personnes sont mortes à Woodstock. Ça va être ça? Ça vieillit. Ouais, écoute, ça va à peine. Ben, c'est ça. Crime, tant qu'à ça. Faisons-en un autre. Ben oui. C'est quand même remarquable, dit-on, parce que le Health Department a parlé qu'il y avait 5162 cas rapportés, des cas médicaux rapportés, et le gouverneur de New York a déclaré que le festival était un désastre, donc une zone désastre, disaster area. Aussi, malgré 797... utilisation enregistrée de ou abus de drogue enregistré, enregistrement d'abus de drogue, voilà. Seulement une de ces morts, donc on parle des 2 personnes qui sont mortes à Woodstock, seulement une de ces mortes-là, oui, j'ai de la misère avec le féminin et le masculin, instantanément comme ça. Une de ces morts-là avait rapport avec la drogue, l'autre, c'était un tracteur qui est passé sur un adolescent dans son sleeping bag. Ah, pendant que le gars dormait. Ouais, dans son sac de couchage. Aïe, aïe, quelle mort atroce. Dégueulasse. Oh, ça doit faire mal. Un peu? Ça doit faire mal. Ça doit être long, là. C'est pas comme si des tracteurs, ça roulait vite, là. Ah! Non, mais à pesanteur que ça l'a, ça doit pas... Yark. Ça dépend de quel bord qui commence. Ouais, c'est ça. C'est le pit direct, ça a peut-être fini. On espère. Souhaitons-le. Continuons avec d'autres faits. On va y aller rapidement, évidemment. Princesse Léa a utilisé de la cocaïne sur le plateau de The Empire Strikes Back. L'actrice Carrie Fisher, c'est celle qui jouait la sœur de Luke Skywalker. Oh, spoiler ici, pour les gens qui n'ont pas vu, dont moi. Donc, Léa, évidemment, a admis récemment d'avoir utilisé de la cocaïne dans des scènes filmées sur la planète de glace Hoth. Elle dit, et je cite, « Nous avons utilisé de la cocaïne sur le plateau de Empire, sur la planète de glace. J'aime même pas la coke tant que ça, c'était juste pour essayer de me mettre dans, dans le mood high que j'avais besoin pour acter, je sais pas trop quoi. Après les films de Star Wars, Fisher a eu des difficultés avec des drogues et puis a dû aller dans un hôpital, dans un rehab, centre de réhabilitation. Ouais. Quand même étrange. Non, c'est tout. J'arrête là. Non, celle-là, je veux pas. Ça va faire. T'en mets un dernier. Pourquoi pas? Un dernier. Faut que tu nous dises. Tu peux pas arrêter ça d'un coup comme ça. C'est ça. C'est comme s'endormir. Les sacs de plastique sont plus faciles à recycler que les sacs de papier. Saviez-vous ça? Ben oui, les sacs de papier, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. En fait, à ce niveau-là, tu parlais, non? Non. Vraiment recycler. Ouais, à recycler. Ah non. Veux-tu t'en parle un peu? Non. Veux-tu t'en parle? Ben oui, vas-y. Ça prend 91% moins d'énergie pour recycler un sac de plastique qu'un sac de papier. Ah. Donc, on parle de 17 BTU versus 1444 BTU. Malgré ce fait-là, les sacs de papier sont recyclés à beaucoup, beaucoup plus, si on veut, en utilisant surtout des nouvelles... Comment t'appelles ça? J'ai la misère avec ça. La pulpe d'arbre. Ouais, le ouais. Genre... Ouais, mais ça prend des nouveaux arbres, ça prend la fibre. Genre, pour faire ces nouveaux sacs-là. Ouais. Ça prend aussi une fraction de l'énergie pour produire les sacs de plastique au départ. Donc, les sacs de plastique ont besoin de seulement 594 BTU, alors que les sacs de papier prennent environ 4 fois l'énergie, 2511. Aussi, le papier, présentement, dans les sites d'enfouissement sanitaire, ne se dégrade pas beaucoup plus rapidement que les sacs de plastique. Donc, ça prend pas tant plus de temps que ça. Sauf que le plastique, ça prend du pétrole. Oui. C'est le seul. C'est ça. Donc, on dit, si on veut moins gaspiller, d'utiliser des sacs réutilisables, mais ça, je pense que c'est la réponse évidente. Et puis, on dit tout le temps dans les émissions, j'ai entendu ce fait-là souvent, que les sacs de réutilisables sont très, très sales et remplis de bactéries. Donc, lavez-les. C'est ce que ça dit. Hey, mais de plus en plus, quand tu vas à l'épicerie, là, tu vois les gens avec leurs sacs. Oui. C'est comme devenu... Depuis qu'on charge les gens... Tout à fait. C'est plate, mais il faut charger. Au Québec, ça marche, donc pourquoi pas? C'est plate. Mais quand tu les oublies, c'est fait. Oui, moi, c'est plate, mais 5 cents par sac, c'est pas trop. Fait une fois de temps en temps, tu peux te le permettre. Oui. Non, de toute façon, tu as besoin de sacs de plastique pour exactement. Faire la litière, etc. Ouais. Exactement. Moi, avant, j'utilisais tous mes sacs réutilisables, mais là, je peux plus. J'ai besoin de sacs en plastique. Mais sac litière, un petit conseil de prendre des sacs de lait. C'est comme plus épais. Mais j'achète pas de moi non plus. Sac comme ça. Hey, je savais pas qu'il y avait juste ça. Ben, peut-être pas juste au Canada, mais aux États-Unis, ils ont pas de sac de lait. Tu savais ça? Non, on en reparlera, mais il y avait une vidéo sur YouTube. C'est un fait. Il y a pas de... Non, il a fallu qu'il l'explique sur YouTube. Il y a une fille qui fait des explications de choses qui existent qu'au Canada sur YouTube. C'est super intéressant. Genre, elle montre des sacs de chips au ketchup, des sacs de chips au dill pickle, parce que ça existe pas aux États-Unis. Ketchup, ça existe pas? Sac au ketchup. Sac de chip au ketchup. Du ketchup, ça existe. Non, mais les chips au ketchup, non? Incroyable, hein? Bizarre. Je sais. Pourquoi? Pourtant, c'est si bon. Ouais, c'est tellement bon, les lays. C'est impressionnant ce qui n'existe pas ailleurs et qu'ici, on prend pour acquis comme des sacs de lait. Tu sais, c'est ça. Ça n'existe pas. Il a fallu qu'elle montre comment couper le coin. Caroline. C'est même bizarre. Je vous jure. Bon. Ah, c'était un fait. C'était un fait. Tu sais, le nom de la collègue, c'est un fait, mais on le met au passé, ça fait quoi? C'était un fait. C'était très intéressant, en tout cas. Bah, thank you. Thank you. C'est revenu? Ouais. Bon. Ben, c'est jamais vraiment parti, cette expression-là. Ouais, non, c'est vrai. Donc, on va arrêter ici. On va prendre une petite pause, aller entendre l'Info Campus, aller en publicité, puis on revient avec une deuxième heure d'assemblage requis et la présence de Max the Best Rami. The Beast. OK, ça rentre The Beast. Je sais pas. The Beast. Mexico! C'est fou ça. À Mexico. 89.1. À Mexico. Sur le net, au cfou.ca. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées sur les ondes du 89 FM, c'est fou. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Celui que vous entendez, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les requins. On vous l'a pas dit aujourd'hui encore, donc on se reprend. Oui, je pense qu'hier non plus, on n'a pas fait allusion. Oh non? Non. Mais on se laisse aller, il y a un petit relâchement. Un petit relâchement. Je trouve pas ça très bon. Il faut se ressaisir dans le sens que la beast est présente. Ah, tu parles de la bête, la beast. Bête. La bête elle-même, genre Maxime Le Ménaramé. Celui qu'on appelle Maxi Max and the Funky... Family. Family? Ah, ben Colin, ben, on va lui dire bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Les requins, c'est les auditeurs ou c'est vous deux? Ben, c'est tout le monde, tu sais. C'est tout le monde. Ben, je pensais pas que ça nous incluait. C'est la population globale. Non, ça nous inclut pas. Ok, ben, okay. Ça nous inclut pas de bord. Ben, non, mais je sais pas. Ben, je sais pas. Ah. En fait, à la base, c'est un peu n'importe quoi. Ça fait que, tu sais, j'avais pas pensé au règlement de est-ce que ça nous inclut ou pas. En fait, c'est basé sur l'excellente émission Les Bêtes Rabiolantes. Vous savez que les auditeurs sont des bêtes. Ouais. Donc, je me suis dit, copions, vu que c'est bon. Tu sais, c'est un peu ma façon de faire dans la vie. Puis, Kiwan, tu t'appelles Kiwan? Ouais. Toi aussi? Vaguement. C'est loin un peu. Il y avait Respect les dauphins, puis lui, ses auditeurs, c'est des dauphins, tu sais. OK. Fait vu qu'ils respectent. C'est ça. Ah. Ils nous appellent pas souvent? Non, Kiwan? Ben non, mais là... Il n'y a pas de signe. Il est loin. Il y a une job aussi à trouver, puis tout, là. Je sais pas si c'est fait. Je sais pas, il va falloir qu'il nous renseigne dans sa prochaine chronique, parce que là, il a commencé à nous parler de sa recherche d'emploi en onde. Il faut continuer l'histoire, tu sais. Ouais. Les auditeurs, ils méritent ça quand même, hein, Max? Les auditeurs méritent tout. Et voilà. Donc, tu as une chronique sur tes suggestions musicales du moment. Ouais. Télécharge quoi? Télécharge quoi? Donc, aujourd'hui, mardi. Oui, je confirme mardi. Je voulais vous parler de Surfer Blood. Avec leur album Astro Coast, ils ont quand même fait du ravage, surtout sur Pitchfork. Eu des bonnes critiques. Puis j'ai comme fait une recherche parce que moi je me suis intéressé au band un peu plus tard, plus tard après la sortie de leur album en janvier dernier. Puis là je me disais peut-être qu'ils vont avoir quelque chose de nouveau parce que ça fait quand même presque un an qu'ils ont sorti leur album. Puis j'ai trouvé sur Pitchfork qu'ils ont fait un cover, comment on dit ça un cover en anglais? Une reprise. Une reprise, ouais. Exactement, d'une pièce de Pavement. Une douillette. Fait qu'ils ont fait une reprise d'une pièce de Pavement, Buck Elder, et puis aussi pendant la même session, Live in Studio. Yeah. C'est quoi en français? Live in Studio? En direct en studio, je sais pas. Studio. Ben, performance en direct. Puis c'est ça, ils ont fait une nouvelle pièce qui vraiment bonne. Au début, je pensais que c'était celle-là, la pièce de Pavement. Puis là, j'étais comme, bon, ben, Pavement, c'est bon. Puis là, j'étais allé faire des recherches. Puis Pavement, c'est pas Pavement, si bon. Non, c'est super. Tu sais, c'est super bon. C'est vraiment un peu plus grunge. Tu sais, ça a fait fureur dans les années 90 jusqu'à peut-être 2000. Puis là, ils ont fait un nouveau CD récemment. Mais c'est plus, c'est ça, un peu plus grunge, je dirais. Puis c'est pas trop ce que je voulais écouter. Mais on va aller entendre la pièce I'm Not Ready de Surfer Blood. Peut-être qu'il va se trouver sur leur prochain album, sur un prochain maxi. L'avenir nous le dira. Mais on écoute Surfer Blood tout de suite. Télécharge quoi? Assemblage requis. C'est fou, 89 FM. Ouais. Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back. c'était la nouvelle pièce de Surfer Blood, I'm Not Ready. Voilà. C'est vraiment très, très excellent. Ouais. J'adore. Mais toi, t'étais prêt, hein? J'étais prêt? Le chanteur était pas ready, mais toi, t'étais prêt. Ouais. Mais tu es toujours prêt. Ouais. le nom de la pièce, c'est I'm Not Ready. Ah! Ah, je l'ai pogné pas en tout, celle-là. Colin, ça aurait été digne de moi, en plus, comme jeu de mots qui n'est pas vraiment jeu de mots. Politique, un peu, hein? Oui, oui, c'est ça, à la saveur démocratique. Bon, super. Donc, oui, parfait. Alors, deuxième artiste dont je voulais parler, c'est Twin Shadow, qui a sorti un long jeu récemment, Forget. Twin Shadow, ça fait très années 80, New Wave. Ce qui m'a attiré vers eux, c'est que le producteur de l'album, c'est Chris Taylor, membre de Grizzly Bear, qui a aussi produit les albums de Department of Eagles, The Morning Benders, TV on the Radio, Dirty Projectors. Donc, les albums aussi de Grizzly Bear, évidemment. Groupe que j'adore, Grizzly Bear. Alors, Twin Shadow, c'est ça, c'est à découvrir vraiment. La voix du chanteur me faisait penser un peu à la voix de... genre Peter Gabriel, tu sais, dans ses vraies années là, de Genesis puis tout. Le bon temps, là. Puis, c'est ça, dans les critiques, on dit que ça ressemble aussi un peu à Bon Vieux Depeche Mode puis Echo and the Bunnymen. Alors, je vous suggère ça. OK. Ouais. Alors, on écoute la pièce Slow de Twin Shadow tout de suite. Encore à télécharge quoi? Dans l'émission Assemblage Requis. We'll be right back. C'était Twin Shadow, wow. La pièce Slow de l'album Forget. T'as fait des bons choix aujourd'hui. Ah ben merci. Ils vont être au Ilmotor le 10 novembre à Montréal. 10 novembre, c'est quand même bientôt. Le mois de novembre arrive à grands pas. Ça, c'est dans 3 semaines environ, genre. 3 semaines, c'est ça. T'es bon avec les jours, puis calculer les jours en semaine, les semaines en mois. Ouais, non. Bon, alors avant que je quitte, je voulais vous parler d'une pièce que j'ai trouvée sur le site MySpace de Broken Social Scene. Et puis, ça va faire partie de la bande sonore de It's Kind of a Funny Story. Donc, avec qui ça donc? Avec Zach. Zac Efron. Non. Non, l'autre Zach, un peu plus cool. Galifianakis. Ouais. Yeah, pour vrai? Il est juste, oui. Toi, il est juste toi qui est capable. J'adore Zach Galifianakis. J'en ai parlé hier, je pense, à l'émission tellement. Ça a l'air d'être une comédie romantique, par exemple. Je sais pas pour le film. Ah, mais avec lui, même si c'est dans un film Porsche, ça va élever la barre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, la pièce se trouve sur le MySpace de Broken Social Scene. Elle s'appelle Not at My Best. Puis pendant que je parle de film et de Broken Social Scene, je voulais vous parler d'un film. J'essaie d'avoir de l'info. Peut-être que vous, qui écoutez, êtes plus à l'aise avec les sites web que moi. Mais c'est le film This Movie is Broken. Je pense que c'est avec Broken Social Scene et un autre réalisateur. C'est l'histoire, je pense c'est une genre de, aussi comédie romantique. C'est l'histoire d'un gars, une fille qui se rencontrent, décident d'aller au show de Broken Social Scene. Je pense que c'est un show à Toronto, puis finalement, ça devient un show incroyable parce que, comme vous le savez tous ici à la maison, dans Broken Social Scene, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés, qui sont partis et puis qui ont fondé d'autres groupes, dont Leslie Feist et puis Emily Haynes de Metric. Puis dans ce show-là, dans ce film-là, on voit justement des pièces chantées par Feist et puis Emily Haynes. Donc, je vous conseille le film. Moi, je l'ai trouvé. En fait, j'ai vu qu'il était disponible sur iTunes, qu'on peut le louer sur iTunes. Ouf. Donc, c'est cher, ça. Non? Bah, 5,99. Pour le louer. Ouais. Ouais. Ben, ouais. C'est plus ta bande passante. Non, mais si t'aimes le. C'est parce que c'est comme un film plus un show live. Ouais, ok. Tu sais, ça peut valoir la peine. Là. Ouais. Puis, je voyais justement dans le. Comment tu dis, dans la bande-annonce. Puis ça avait l'air d'être quand même super bien filmé, super bien réalisé. Alors, This Movie is Broken, The Broken Social Scene. Mais pour l'instant, on va aller écouter Not at My Best, The Broken Social Scene, qui va être sur la bande sonore du film It's Kind of a Funny Story. J'ai tout dit. Assemblage requis? Ouais, assemblage requis. C'est ça que j'avais oublié de dire. Non, non, non, ça ne fout pas. Non, sur c'est fou. Ah, sur c'est fou. 89.1, virgule, là, FM. La virgule la valeur. We'll be right back. C'était Not At My Best, The Broken Social Scene, qui va être sur la bande sonore de It's Kind of a Funny Story. Exact, Galifianakis. Galifianakis. Très bon groupe, Broken Social Scene. On l'a fait jouer hier aussi. Oh! Oui. Tu vois, c'est tendance. Mais c'était pas sur la trame sonore d'un film, par exemple. Non. Ben, Scott Pilgrim. Oui, c'était sur la trame de Scott Pilgrim. Yay! Oh! C'était quelle pièce, te rappelles-tu? Anthem for a Teenage Girl. Ah, ok, ouais. We 17-year-old girl. Ouais, c'est teen ça. Girl. Je pense que c'est, en tout cas, je veux pas dire de niaiserie, mais je pense que c'est Feist qui chante cette chanson-là. Ah ouais? Je ça pense. Se peut, ça se peut. Je, ouais. je me lance pas. Ah ouais. Je parle à travers mon chapeau, mais. Parce que ça date aussi quand même. Ouais, c'est ça, c'est une vieille. Ouais. Bon. Feist était là-dedans parce que là, c'est ça, comme tu disais, c'est des gens de différents... Ouais. Ben, c'est des Torontois, hein. Okay. Qui rentrent, qui sortent, puis. Une grande communauté. C'est ça. Qui font un mouvement de va-et-vient. Ah, oh, ben là, Mathieu. Et qui pète et pète à santé. Ok, bon, bye. C'est fini, c'est tout. Ouais, okay. Il y a déjà 3 artistes là, de passé. Ben ok, c'était Maxime Lemieux-Aramé qu'on retrouve mardi prochain. Ouais, mardi prochain. À la même heure. 26 octobre. La semaine prochaine, on va être le 26 octobre déjà? Ouais. 5 jours avant l'Halloween. Dernier mardi d'octobre. Ah ben quand même. Il paraît que, peut-être que vous savez tous ça, là, mais il paraît qu'au mois d'octobre cette année, il y avait 5 vendredis, 5 samedis, 5 dimanches. Puis la prochaine fois qu'on va vivre ça, un mois avec 5 vendredis, samedi et dimanche, c'est dans 823 ans. Dans hein? Ouais. Vous saviez pas ça? Non, je pensais que c'était d'actualité. Je comprends pas comment ça fait que je l'ai pas dit dans ma chronique, c'était un film. Ouais, il me semble que c'était intéressant. Ouais, je pense que c'était d'actualité. Là. On en parlait au bureau. Fait que je me disais que tout le monde le savait. Mais ouais, 823 ans. C'est incroyable. Ça. 23 ou 63. Je me mélange tout le temps entre 23 et 63. Mettons qu'il est rendu à 800, tu peux arrondir. Là. Ouais, c'est ça. Dans 800 ans et plus. Là, 800 ans. Tant. Merci Maxime de Miller-Amé. Salut. À mardi prochain. Ah, bye bye. Merci Maxime. On le voit partir avec son vaisseau. Regardez ça. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées, hein, François? Oui, ben oui, certainement. Nous, on va aller en publicité maintenant. Oui. Et puis au retour, Émilie? Oui, puis au retour, en fait, on va avoir aussi Régis Solry. Régis Solry. Donc, restez là, les deux s'en viennent dans la dernière demi-heure d'Assemblage Rocky sur C'est fou. On regarde encore le vaisseau, il n'est pas encore décollé, il y a comme de la misère, on dirait. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Oui, vous êtes bien à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier Marchand et de Mathieu Plante jusqu'à 9h, heure de l'Est. Heure de l'Est, ben, tout à fait. C'est bien précisé des fois. Là. Maintenant, ben là, en ce moment, là. Maintenant. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on reçoit Émilie Gauthier. Voici sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Guitare à la fin. Ouais, c'est le fun. Veux-tu sortir avec moi qui est la chronique plénière d'Émilie Gauthier? Bonjour, bienvenue. Allô. Ça va? Oui, t'as répondu oui à Veux-tu sortir avec moi cette semaine et c'était très le fun. Ah oui, parce qu'on était. On était ouais. Expliquons un peu. Ouais, ouais, c'est ça, tu fais bien. On est allé au spectacle d'Okego ensemble avec Stéphanie Gagné et ma copine. Oui, c'était full le fun. C'était full le fun, hot, malade, débile dans le dash. Oui, et on. Malade, débile dans le dash. C'était carrément buzzant et même trippant. T'es carrément. Bon. C'est complètement débile. J'aurais pu continuer longtemps, mais ouais, j'ai essayé de pas. Donc, on va le refaire à un moment donné, sortir à d'autres spectacles. Oui, c'était full le fun. Ouais. J'ai comme pas d'autres mots, c'était tellement bon. C'était assez capoté. Hein. On a plusieurs sujets aujourd'hui encore dans tes chroniques plénières. Ça se défile. Tantôt, on va parler du Petit Nirvana, du parc de la rivière Grand-Mère, du parc de la rivière Shawinigan, du sentier au Saint-Maurice, Haute-Maurice, quand même des mots de trop. Et du sentier Petite Rivière Bostonnais. Mais on commence avec le centre d'aventure Matawin. Matawin, je sais pas. Je sais pas. Matawin. Ouais. C'est ça. Mata quelque chose. Mata win, c'est plus gagnant, t'as compris-tu, win? Ouais. J'aime ça. Mata win! Yeah! OK. Dans le fond, c'est un centre d'activité plein air où est-ce qu'on peut retrouver des sentiers pédestres et multifonctionnels. On longe surtout la rivière Matagagnonque. Et la rivière Saint-Maurice, il y a un sentier pour le vélo de montagne pédestre raquette qui contourne un ancien cimetière. Ouh, Halloween! Eh hey, ben oui, crime! Cette semaine, ben on oui. s'y rend tous. Amenez vos graines de citrouille? Non. Non. Ben non. Vos déguisements, bon. Peut-être. Bon, fait de la randonnée en déguisement. Ben oui. Là, mais... tu fais peur au cimetière. Ouais. N'importe quoi. Ça. N'importe quoi ce matin. N'importe quoi. Le sentier Matawin comme tel conduit à trois belvédères qui donnent des points de vue sur la rivière et la région. Il y a un autre sentier qui s'appelle le ruisseau qui aboutit à un barrage de castors. Moi, je trouve que ça peut être quand même intéressant à observer. Il me semble qu'on en voit c'est impressionnant. Télé, mais... c'est impressionnant, un barrage de castors. Il me semble que j'en ai vu un au zoo, là, où est-ce qu'il y avait le castor dans une petite fenêtre à côté, mais j'ai jamais vu un vrai live. Là. Moi, dans son habitat naturel, hein. C'est, ouais, c'est impressionnant, c'est gros. C'est. Ouais, non, c'est le fun. Allez voir ça. Bon. On va voir le castor. Ouais. Puis, il y a 12,3 km dans le fond de sentier débutant et intermédiaire en tout. C'est ouvert toute l'année. L'accès est gratuit. C'est situé à Trois-Rives, donc plus ou moins une heure et demie de l'université. Puis, on peut aller au www.centredaventuremattawin.com. Hey, je viens de voir que j'ai une photo. T'as accenture quelque part là-dedans? Ouais, ouais. C'est mais aventure. C'est ça, c'est pas grave. Puis les liens, de toute façon, vont être sur assemblagerequis.com dans ta chronique « Veux-tu sortir avec moi? » C'est super simple, ils sont toutes là. Il y en a pas, il en manque même pas un. Ouais. On pourrait en faire qu'il en manque un, mais non. On pourrait que je la fasse même pas, vous ayez à l'œil, mais ça vous plaît. Ouais, c'est ça. Aussi. Là, je me lève pour vous, pour venir vous la dire. Fait que c'est encore mieux comme ça. T'es fine, tout le monde l'apprécie. Bien sûr. On continue avec le parc de la... non, avec le petit Nirvana. Le petit Nirvana, dans le fond, c'est un sentier de 6 km qui sillonne une forêt mixte sur un territoire vallonné. Et traverse deux ruisseaux, c'est vraiment comme l'accueil. Le pavillon d'accueil, c'est une maison. C'est à deux personnes, okay. Un monsieur puis une madame. Puis la forêt, c'est comme leur cour. Fait que pour payer tout ça à l'entrée, c'est chez eux qu'on va. Donc, hey, salut, je m'en viens de payer pour la journée. Mais tu sais, c'est vraiment deux tripeux qui ont décidé de développer leur sous-bois à l'arrière. Puis de. Ça doit être grand. C'est assez grand. Oh, ouais, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, tout est construit en petits bois ronds. Fait que pour rappeler la maison à l'accueil, sinon les petits les passerelles sont en bois rond, les caches, tout est en petit bois rond. Fait que je pense que c'est très joli. Il y a du travail. Oui, c'est ça, ils voulaient. Il y a un tunnel de 2 mètres creusé dans la montagne. Ça, je sais pas comment ils ont fait, par contre. On passe aussi par un étang de castors, c'est populaire. Il y a 3 caches qui sont réparties près de l'étang pour observer la faune présente. Là. Fait que autant de castors, il y a des espèces d'oiseaux, il y a des petits mammifères, donc... Et puis, il y a une aire de jeu aménagée pour les plus petits près de l'entrée. C'est ouvert aussi longtemps que les conditions du terrain le permettent, de 8h à 19h. Après ça, on fait suite à l'hiver, donc raquettes qui te font. Et on doit débourser 5$ pour accéder au site. D'après moi, c'est juste normal si c'est deux personnes qui entretiennent ça de leurs propres frais de payer 5$. Ouais, c'est ça. Ouais, eux autres aussi, ils ont des frais. Là. Sinon, c'est 14 ans et moins, c'est gratuit. Par exemple, c'est un petit peu loin. C'est à 2 heures de l'université. Mais dans le fond, c'est proche de la TUC. Puis j'ai 2 autres endroits proches de la TUC. Fait que si on décide de partir une fin de semaine dans ce coin-là, il y a beaucoup de place à explorer, je pense. C'est road trip de castor. Là. Mais tu sais, on se dit la TUC, qu'est-ce qu'il y a là? Beaucoup de places de randonnée à la TUC, on pourrait être surpris. Mmh. Je vous en reparle plus tard. Oui, ouais, il y a des beaux coins, mais c'est des espaces là, pratiquement à perte de vue. Là. Ouais. On se avec le parc de la rivière. Est-ce qu'on est rendu là? Oui, c'est ça. Lepetitnirvana.com. C'est ça, lepetitnirvana.com. Parc de la rivière Grand-Mère maintenant. Oui, donc là, on va avoir 2 back-à-back ensemble. On a le parc de la rivière Grand-Mère et le parc de la rivière Shawinigan qui sont situés quand même tout près. Premièrement, le parc de la rivière Grand-Mère, c'est un petit sentier de 4 km qui suit une vallée. Il va longer la rivière Grand-Mère avec des petites chutes créées par les barrages. Puis on arrive finalement à un belvédère qui offre un point de vue sur la rivière Saint-Maurice et une chute d'environ 10 mètres. C'est le fun. Et on peut aussi emprunter un ponton pour traverser la rivière Saint-Maurice. C'est ouvert jusqu'au mois de novembre à cause du ponton, j'imagine, qu'à un moment donné, il ne peut plus. Et c'est le ouvert du lever au coucher du soleil. C'est gratuit, environ une demi-heure de l'université. L'entrée se situe au coin de la 7e rue à Shawinigan. OK. Facile à retenir quand même. Ah oui. C'est tout. De cette chanceuse. Il n'y a pas d'adresse courriel. Il y avait un numéro de téléphone, mais je pense que c'était l'hôtel de ville de Shawinigan. Ah. Donc, si on veut de l'information, on appelle là-bas. Bonne idée. Puis on suit, dans le fond, avec le parc de la rivière Shawinigan. Tant qu'à être dans le coin, tandis que le parc de la rivière Grand-Mère était quand même juste 4 km, on se déplace un petit peu et on arrive au parc de la rivière Shawinigan. C'est un sentier linéaire multifonctionnel qui passe aussi dans un boisé mix, mais lui, il longe la rivière Shawinigan. On peut voir 3 chutes à différents endroits. C'est un sentier débutant de 5 km, fait qu'en tout, ça fait quand même pas de temps. C'est ouvert jusqu'au mois de novembre du lever du coucher du soleil, c'est gratuit et l'entrée du parc se situe immédiatement à la sortie 217 de l'autoroute 55. Ok. Ça aussi, c'est... On n'a pas de site web, c'est vraiment géré par la ville, donc numéro de téléphone de l'hôtel de ville de Shawinigan. Simple, comme Shawinigan. Alors, on va passer au sentier Haute-Mauricie. Là, je l'ai dit tout croche tantôt, c'est pas Saint-Haut-Maurice, c'est Haute-Mauricie. C'est ça, c'est fini. Pas plus compliqué que ça. C'est facile, dans le fond. Ouais. Faut vraiment être poche pour le rater, là. Pour le dire. Oui. Pas comme faut. Ouais. Comme moi. Fait que, dans le fond, si on a le goût là, d'aller au petit Nirvana, là, mais il y a deux autres beaux spots aussi qu'on peut explorer dans la même fin de semaine, mettons. Sentier Haute-Mauricie, c'est vraiment situé en Haute-Mauricie, donc la TUC. Dans le fond, si on peut jumeler les trois, c'est parfait. Le sentier Haute-Mauricie, c'est de longues randonnées qui peut se parcourir en quelques jours. C'est divisé en 7 tronçons. C'est pas comme... Ça, j'ai un peu de la misère. C'est pas 7 sentiers. C'est un sentier en 7 sections, si on veut. 7 sections. Des sections plus dures. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'idéal, c'est vraiment de... Parce que là, eux autres, pour les rejoindre, tu sais, la ville de la TUC. Fait que je pense que l'idéal, c'est vraiment de les contacter eux autres pour avoir les différents points d'entrée pour pas arriver et faire comme... Ah, oh, c'est à l'autre bout de ma section que je veux faire. Mmh. C'est divisé en 7 tronçons qui tirent leur nom de personnages ou d'événements historiques. En tout, il y a 50,3 km de réseau, donc c'est quand même... Écrime quand même, ouais. On a du choix. Ah ouais. Ça longe la rivière Saint-Maurice, ben oui, encore, à la TUC, ça longe encore la rivière Saint-Maurice, comme le parc de la rivière Grand-Mère. On passe par une cédrière, ce qui peut être... qui est quand même particulier, là. Il n'y a pas ça partout. On croise des lacs, des escarpins, des rivières, on traverse une forêt de pins âgés de quelques centaines d'années. Encore des huttes de castors, montées, descentes, faunes diversifiées. On termine même le sentier sur un lieu de bataille opposant les Français et les Algonquins et les Iroquois en 1661. Donc, avis aux amateurs de plein air qui étudient en histoire. Ben oui, il y en a plein. Sûrement. J'en connais. Oui. Mais tu leur diras d'aller à la TUC. Ben oui. Non, je vais leur dire d'aller sur le site Assemblage Requis, d'aller voir. Tu sais, tant qu'à pouvoir faire de la pub un peu par, la, par le côté comme ça. Par la banque. Par la banque. C'est bon, ça. Par le sentier. T'es marketing pas mal, toi. Par le sentier, j'aime ça. Ça ramène ça au plein air, c'est le fun. Ça te ramène directement à Émilie. Qui peut continuer. Oui. c'est ouvert jusqu'au mois de novembre. Lever au coucher du soleil, c'est gratuit. Fait que je pense que pour autant de kilomètres de sentier, c'est vraiment intéressant que ce soit gratuit, contrairement au parc de la Mauricie, qui est comme 7,50 ou quelque chose comme ça. C'est situé à environ 2 heures de Trois-Rives. Donc, c'est quand même... Trois-Rivières. Trois-Rivières. Oui. T'as fait ça Trois-Rives, mais il y a une ville qui s'appelle Trois-Rives, ça devient confus un peu. Hein. Ouais, non. C'est 2 heures de Trois-Rivières. C'est ça, c'est loin un peu. Tu sais, des fois, les gens ont peut-être, aiment peut-être mieux payer pour aller au parc d'Amérique, question que ça soit moins loin, peut-être. Pour le gaz aussi, ouais. Mais la différence, c'est que tu sais, quand t'es à la TUC, t'es vraiment dedans. Tu sais, dans le bois, tandis que le parc d'Amérique, j'étais allé il y a 2 fins de semaine, puis j'entendais encore les voitures passer. Oh non, ça, non, ça saute. Ça dépend quel sentier tu prends aussi, j'imagine, parce que le parc, c'est quand même très gros. Ouais. Moi, je voulais pas m'aventurer au plein milieu du parc pour faire un sentier puis revenir chez moi après. Ouais. Fait que ça dépend vraiment de qu'est-ce que les gens ont envie de voir, j'imagine. Mais tu sais, juste le fait qu'il y ait un attrait historique comme ça, ça peut intéresser plus de gens. Mm-hmm. Ou le fait qu'il y ait des castors, ben, peut-être que les gens qui vont étudier en écologie ou quelque chose vont avoir envie de se diriger plus par là. Oui. On est pitché des Saint-Saëns. Au castor. Fait que c'est... Trop violent. Hein? Trop fou. Émilie, excuse-moi, on te coupe. Correct. Bon, attends. Avez-vous fini? ça dépend. Ça dépend vraiment de l'entrée que vous allez utiliser. Donc, contactez la ville de la TUC. J'ai le numéro de téléphone 819-523-5930 pour des infos ou aussi le ville de la TUC à commercial tourisme hsm.qc.ca qu'on peut contacter pour avoir des informations. Il y a une carte des sentiers, fait que j'imagine qu'ils peuvent vous l'envoyer par la poste ou quelque chose. Là. Je savais pas que la TUC c'était dans le 819. Moi non plus. Non. On l'a appris hier. Tranche de vie. 819 represent! Le Duc! Il nous reste une dernière suggestion. Le sentier Petite Rivière Bostonnais. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois que tu as parlé de Bostonnais. Ça me rappelle les beignes. Je sais. Fait que ça m'allume. Ça te donne faim. Ça m'allume. Moi ça m'allume. Aussi, parce que j'ai pas déjeuné, puis ça me donne faim. Émilie! Mais je viens de me lever. Ah. ça aussi, ça se situe à La Tuque. Donc, on a comme trois endroits aujourd'hui. Je me suis même pas rendu compte. Je parlais de La Tuque aujourd'hui. la ville devrait me... te payer. Moi, de commanditer. Moi, une commandité, serait pas pire, ça. T'as commandité le pompon. Continue. J'ai une moute de tuc. Non, continue. Ouais, continue. Écoute, faut pas que tu t'arrêtes à chaque désespéré. Musique, Mathieu Plante dit. Non, je suis pas réveillée. J'ai pas le temps de réagir là, dans ma tête. Là. sentier Petite Rivière Bostonnais, trois sentiers d'une voie intermédiaire qui totalisent 15,9 km. Donc, pas pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a le sentier La Boucle qui est composé de montées raides et qui mène à un panorama sur la rivière Saint-Maurice, l'ancienne aluminerie et une partie de la ville. Le sentier Alfide Tremblay. Comme une petite question sur l'Alfide Tremblay, là, mais bon, ça doit être quelqu'un d'important. Qui arpente une chaîne de montagnes avec un dénivelé de 150 km, donc ça donne aussi une belle vue. Et il y a le sentier Grand Nord qui a été nommé selon le petit train qui passait dans le coin. Il y a un petit train, puis ils l'ont nommé comme ça. Ouais, ben c'est par rapport aux chaînes ferroviaires qui a été créé dans ce temps-là. OK. Qui effectue quelques montées plus ardues sur le haut d'un cap qui offre un panorama sur les environs et les chutes. Je prends le temps de le prononcer. Wayagamack. Je pense que c'est Wayagamack. Ça. Wayagamack. Okay. C'est pas très bien. Il y a une usine qui s'appelle Wayagamack. Ouais. Bah, bon, parce que ça peut être ça. Le bois venait de l'eau. Peut-être. Ouais, j'imagine, en fait. Ouais, ouais. C'est ouvert toute l'année, levé au coucher du soleil, c'est gratuit. Donc, avec le sentier de Mauricie, ça revient pas très cher. Il y a l'essence à passer. Mais si on monte 4 dans un char, ça revient à peu près à 10$. On peut accéder par 3 entrées. Donc, je vous conseille encore d'appeler à l'hôtel de ville pour plus d'informations ou de leur écrire. Mais bon, c'est situé environ 2 heures, là, tout dépendamment de l'entrée du parc. Là. Le parc de la Mauricie, ça peut être 1 heure comme ça peut être 2 heures entrée. Là. Ça dépend vraiment de l'entrée qu'on prend. Voilà. Voilà. Ben, c'est excellent, ça. Merci. Rempli de bonnes suggestions qu'on retrouve sur assemblagerequis.com pour ceux qui n'ont pas pris le temps de prendre des notes. À un moment donné, à cette heure du matin, on ne s'attend pas à ce que vous ayez un crayon. Là. Non, c'est non. Ça. Des fois, dans l'auto, c'est ça. C'est un peu plus dur. C'est on n'a pas le goût de s'arrêter sur le bord. Puis tu sais, peut-être que vous êtes en train de vous chercher un parking encore, fait que vous n'avez pas le temps de noter. Eh hey boy! Mais là, vous n'êtes pas de bonne humeur. Non. Souriez c'est un peu. Plate que ouais. Chercher un station. Merci beaucoup, Émilie. On te retrouve mardi prochain. Merci. Peut-être mardi prochain, je sais pas. Ah, hey, c'est vrai, semaine de relâche. Vous autres, on n'a pas de ça. C'est la relâche. Ah, oui, je retourne peut-être dans mon coin. Je vous en redonne. À Melocheville. Oui, à Melocheville. Tu aurais dû nous faire des suggestions de sortie à Melocheville. Ah, ben je peux. Ben ouais, tu peux. Il y en a, c'est juste que c'est un peu 2 heures de route. Ah, ben quoi qu'on a parlé de la tuque, ben, mais je suis pas sûre que les gens vont se déplacer pour venir au parc archéologique de la Pointe-du-Buisson, qui est un des plus gros parcs archéologiques au Québec. Hey, mais Melocheville, c'est où exactement? C'est dans quel coin? Mettons, c'est 45 minutes, 1 heure au sud-ouest de Montréal. Mettons, j'étais à 45 au minutes... Au sud-ouest de Montréal. J'étais à 45 minutes des lignes des États et ouais, à ça, une loin. Demi-heure de l'Ontario. OK. Je suis pas mal dans le coin. L'Ontario, quand tu traverses, ça tombe où? Je sais pas. Non? OK. Ouais. Je sais pas. J'ai juste qu'un Walmart ouvert 24 heures. Hein? Oh ouais, wow! 24! Ça dans tes suggestions de sortie, hein, c'est sûr. Mais je me souviens plus du nom de la ville, malheureusement. J'étais allée comme une fois pour le trip de « Hey, je m'en vais à Walmart, puis 11h du soir. » Mais... J'irais plus, moi, vers 3h, 4h du matin. Ouais. Ça serait bizarre. Ouais, j'ai des amis qui ont été... Ça a l'air qu'il y a des gens étranges, autant qu'il y a des gens qui font leur épicerie comme si de rien n'était. Ouais. Eh ben, il y en a pas plus. Ah, mais on vit pas tous sur le même corps de travail. Non. Mais non, c'est ça. Il y en a qui font des parties à 2h du matin. Ça arrive, ça. Il y en a partout, les gens de même. Mais mettons que tu travailles là, 2 jours, là, pis t'as pas le temps de faire ton épicerie de jour. Ouais. Donc, tu vas faire 3h du matin. T'as pas le choix. Pendant que les enfants dorment, moi, on va faire mon épicerie. T'es là tout à la maison. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Ben oui. Bon, ben, cela étant dit, un Walmart en Ontario qui est ouvert 24 heures, c'est intéressant. Ouais, ça fait le tour de la chronique. Si vous y allez, vous passerez par chez moi. Puis vous leur direz que Émilie vous a envoyé. Émilie m'a envoyé au Walmart. What? I don't understand. Émilie who? Melocheville! Émilie Melocheville! Ça va faire. On te retrouve mardi prochain à 8h30. Le mardi dans 2 semaines. Ouais, peut-être. Ouais. Mode automatique, je te dis. Mode automatique quand je finis les chroniques. On se retrouve bientôt. Bientôt! À Assemblage. As soon as possible. Yes. Tu vois, il parle anglais comme en Ontario. 24 hours Walmart. Hey, c'est long. C'est j'ai long. L'accès. Ah oui, vas-y, Mathieu, je te suis. Ben, moi, c'est ça, je m'en allais. Follow you into the doors. Wow. Oui, hey, oui, Dead Cab for Cutie, ça. Ouais. Référence de chanson qu'il n'y a pas grand monde qui comprend, puis là, on va se faire dire qu'on fait des blagues inside. Là. Ok, vas-y, vas-y. Alors, on va aller écouter Regis O'Reilly. Oui. Richelerie, professeur connu. Et après, ça va être pas mal à la fin. Ouais, c'est pas mal ça. Professeur à l'UQTR, professeur reconnu, un homme d'une intelligence exemplaire. Il nous présente à chaque semaine sa chronique Quand la mort se fait originale. On est rendu à la 5e chronique qu'on va l'entendre à l'instant, et puis on vient avec la conclusion d'Assemblage Rock. Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Une mort infamante dans une famille d'hommes de plume. L'arbre généalogique des Mirabeau a ses racines plantées dans un document écrit le 26 janvier 1346, date à laquelle un des trois préfets de Seine est identifié comme l'ancêtre de cette dynastie. Mais ce sont les 17 et 18e siècles qui font entrer les Mirabeau dans le Gotha de la France pré-révolutionnaire. Jean-Antoine, surnommé « Col d'argent », car sa tête ne tient sur son tronc que grâce à un rafistolage, une sorte de minerve en métal, depuis qu'une blessure lors de la bataille de Cassano l'a à moitié décapité. Victor, époux de Geneviève de Vassan, dont il dira « Les 20 ans que j'ai passés avec elle ont été 20 ans de coliques néphrétiques. » Gabriel Honoré, né avec une tête énorme, un pied tordu, des dents déjà sorties et un frein sous la langue, ce qui ne l'empêchera pas de devenir non seulement un des plus impressionnants tribuns, mais aussi un des plus impénitents séducteurs de la Révolution française. Mais au-delà de cette exubérance de surface, les Mirabeau sont de brillants hommes de plume. Victor, le père et marquis, écrira entre autres « L'ami des hommes ou traité sur la population », « Une théorie de l'impôt », « Des lettres sur les corvées », « Une philosophie rurale », « Des lettres sur le commerce des grains ». Gabriel Honoré, le fils et comte, écrira un plan sur la division du royaume, un rapport sur la dette publique, un projet d'adresse aux Français sur la constitution civile du clergé, une histoire secrète de la cour de Berlin, un érotica biblione et bien d'autres truculences encore. Même le château du Bignon, demeure des Mirabeau, succombe au charme des lettres car au XXe siècle, il appartiendra au poète Patrice de la Tour du Pin. Petit retour en arrière et plus précisément au 21 avril 1743. Victor de Mirabeau vient d'épouser Geneviève de Vassan et il est urgent d'assurer la lignée des Mirabeau grâce à un, ou mieux encore des enfants mâles. Le couple ne semble pas avoir perdu de temps car dès le 16 mars 1744, 11 mois à peine après les noces, un enfant vient au monde. Par chance, c'est un garçon, il s'appellera Victor Charles. L'enfant grandit et commence à se déplacer tout seul dans cette maison où tout rappelle la passion d'écrire de son père. On imagine volontiers des feuilles de papier traîner un peu partout sur les tables. On en fait des cocottes, des plumes à écrire, on se chatouille avec, et des bouteilles d'encre qu'on peut confondre avec un jus de fruits. C'est malheureusement ce qui se produit en septembre 1747. Victor Charles meurt empoisonné par de l'encre. La façon la plus infamante de mourir dans une famille comme celle-là. Dans sa biographie de Mirabeau père, Gilles Henry écrit « Un psychanalyste de nos jours y verrait probablement la marque de plusieurs paramètres. L'appel d'un enfant envers ses parents déchirés par le moyen le plus propre à interpeller le père, qui écrivait tant que l'encre était, avec la plume, un matériau indispensable, sinon vital. Matériau vital et létal, en l'occurrence. » Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. On trouve Régis Solry la semaine prochaine, mardi à Assemblage requis, mais aussi dans deux autres émissions. Oui, le dîner de con aujourd'hui, c'est midi. Oui. À midi pile? Environ à midi, oui. Ah, environ, ça peut... ça peut changer. Et entre les émissions Rock Révélé et Réanimation, c'est vers les 21h ce soir, mardi. Et puis mardi prochain matin, entre 7h et 9h. D'habitude, c'est vers les 8h. Oui, c'est ça, exactement. Bon, on se laisse une petite marge de manœuvre. Oui. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h avec. Oui. Plein de musique demain, je pense. Pas mal. Oui, on va essayer. Peut-être une surprise, peut-être un invité, peut-être pas. Peut-être qu'on. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va être là. Oh, ça, c'est vrai. Peut-être avec nos manteaux d'hiver cette fois-là. Et Colin. Alors, on se quitte avec une pièce de Fallout Flash qu'on avait promis. Fallout Flash. Laquelle? Hey, je mettrai la 10e, la dernière. Tu peux peut-être rappeler le titre? The Awakening. On se quitte là-dessus parce qu'elle est longue et elle va défoncer dans les nouvelles. Donc, on se retrouve demain matin. Et puis d'ici là, les nouvelles de Radio-Canada et le dîner de con à 11h. Ratez pas ça. Bye. Bye.